À une femme, de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Enfant, si j'étais roi, je donnerais l'empire, et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace et les cieux et les mondes pour un baiser de toi. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. À une passante, par Charles Baudelaire, enregistré pour LibriVox.org, par Caroline Sophie. La rue, assourdissante autour de moi, hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Après 3 ans, par Paul Verlaine, enregistré pour LibriVox.org, par Caroline Sophie. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu. L'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble, sa plainte sempiternelle. Les roses, comme avant, palpitent. Comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même, j'ai retrouvé debout la velléda dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle, parmi l'odeur fade du réséda. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Celle qui passe, de Francis Viellet-Griffin, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en novembre 2010. Celle qui passe m'a souri, l'azur est plus pâle et l'air est rose. Celle qui passe sans une pause, vaguement tendre comme une chose, comme un ruisseau, comme un pré fleuri, celle qui passe m'a souri. Tout est joie et touchant épris, celle qui passe a rayonné, l'avant-hier est pardonnée, la messe d'amour a sonné aux clochettes de la prairie, celle qui passe a rayonné. Rien n'est plus du jour et de l'heure, celle qui passe a souri des rayons. Mon âme flotte par les sillons avec la brise et les papillons. Je suis le jour même qui chante et fleure, celle qui passe a souri des rayons. Avec un peu de gaieté blonde, en rayon par la route qui grimpe, avec un peu de ton rire, une onde qui jaillit et poudroie, avec, oh, ton doux rire où se fonde mon rêve déchu de son vieil Olympe et qui pleure de joie, avec un froufrou de jupe, une aile, avec un éclat des yeux, oh, rayon. La vie est légère et la vie est belle, et mon âme chante en les carillons. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. C'est l'extase langoureuse, de Paul Verlaine, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. C'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois parmi l'étreinte des brises, c'est, vers les ramures grises, le cœur des petites voix. Oh, le frêle et frais murmure, cela gazouille et susurre, cela ressemble au cri doux que l'herbe agitée expire. Tu dirais, sous l'eau qui vire, le roulis sourd des cailloux. Cette âme qui se lamente en cette plainte dormante, c'est la nôtre, n'est-ce pas? La mienne, dit, et la tienne, dont s'exhale l'humble antienne par ce tiède soir tout bas. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les chats de Charles Baudelaire, enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leur mûre saison, les chats, puissants et doux, orgueil de la maison, qui, comme eux, sont frileux et comme eux, sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chute des feuilles, de Charles-Hubert Millevoye, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en novembre 2010. De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre. Le bocage était sans mystère, le rossignol était sans voix. Triste et mourant à son aurore, un jeune malade à pas lents parcourait une fois encore le bois cher à ses premiers ans. Bois que j'aime, adieu, je succombe. Votre deuil a prédit mon sort, et dans chaque feuille qui tombe, je lis un présage de mort. Fatal oracle d'Épidore, tu m'as dit, les feuilles des bois à tes yeux jauniront encore, et c'est pour la dernière fois. La nuit du trépas t'environne, plus pâle que la pâle automne, tu t'inclines vers le tombeau. Ta jeunesse sera flétrie avant l'herbe de la prairie, avant le pampre du coteau. Et je meurs, de sa froide haleine un vent funeste m'a touché, et mon hiver s'est approché quand mon printemps s'écoule à peine. Arbuste en un seul jour détruit, quelques fleurs faisaient ma parure, mais ma languissante verdure ne laisse après elle aucun fruit. Tombe, tombe, feuille éphémère, voile aux yeux ce triste chemin, cache au désespoir de ma mère la place où je serai demain. Mais vers la solitaire allée, si mon amante désolée venait pleurer quand le jour fuit, éveille par un léger bruit mon ombre un instant consolée. Il dit, s'éloigne, et sans retour, la dernière feuille qui tombe a signalé son dernier jour. Sous le chêne on creusa sa tombe, mais son amante ne vint pas visiter la pierre isolée, et le pâtre de la vallée troubla seul du bruit de ses pas le silence du mausolée. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chute des feuilles, version 2, de Charles-Hubert Millevoye, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en novembre 2010. De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre, et sur la branche solitaire, le rossignol était sans voix. Mourant à la fleur de son âge, un jeune habitant du vallon parcourait un jour le bocage où sifflait le triste aquilon. Doux bocage, adieu, je succombe. Tu m'avertis de mon destin. De ma mort la feuille qui tombe est le présage trop certain. Fatal oracle d'Épidore, tu l'as dit, les feuilles des bois à ses yeux jauniront encore, et c'est pour la dernière fois. Rien de sa languissante vie ne peut ranimer le flambeau. Sa jeunesse sera flétrie avant l'herbe de la prairie, avant le pampre du coteau. Et je meurs. De sa froide haleine un vent funeste m'a touché. Mon printemps commençait à peine, et mon hiver s'est approché. Tombez, tombez, feuilles légères, et pour la plus tendre des mères, couvrez quelque temps ce chemin, qu'elle ne puisse reconnaître le funèbre asile où peut-être son fils reposera demain. Mais si, d'un long crêpe voilé, mon amante dans la vallée venait pleurer quand le jour fuit, éveillée par un faible bruit mon ombre un instant consolée. Et le lendemain, vers la nuit, son âme s'était exhalée. Sa mère, peu de temps hélas, vint tous les soirs dans la vallée visiter la tombe isolée, et son amante ne vint pas. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chute des feuilles, version 3 de Charles-Hubert Millevoye, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie en Belgique en novembre 2010. De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre, et dans le vallon solitaire, le rossignol était sans voix. Triste et mourant à son aurore, un jeune homme seul à pas lents parcourait une fois encore le bois cher à ses premiers ans. Bois que j'aime, adieu, je succombe. Ton deuil m'avertit de mon sort, et dans chaque feuille qui tombe je vois un présage de mort. Fatal oracle d'Épidore, tu m'as dit, les feuilles des bois à tes yeux jauniront encore, et c'est pour la dernière fois. La nuit du trépas t'environne, plus pâle qu'une fleur d'automne, tu t'inclines vers le tombeau. Ta jeunesse sera flétrie avant l'herbe de la prairie, avant le pampre du coteau. Et je meurs. De la vie à peine j'avais compté quelques instants, et j'ai vu comme une ombre vaine s'évanouir mon beau printemps. Tombe, tombe, feuille éphémère, et couvrant ce triste chemin, cache au désespoir de ma mère la place où je serai demain. Mais si mon amante voilée, au détour de la sombre allée, venait pleurer quand le jour fuit, éveille par un faible bruit mon ombre un instant consolée. Il dit, s'éloigne et sans retour. Sa dernière heure fut prochaine. Vers la fin du troisième jour, on l'inhuma sous le vieux chêne. Sa mère, peu de temps hélas, visita la pierre isolée, mais son amante ne vint pas. Et le pâtre de la vallée troubla seul du bruit de ses pas le silence du mausolée. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chute des feuilles, version présentée à l'Académie de Toulouse, de Charles-Hubert Millevoye, enregistrée pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en novembre 2010. De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre. Le bocage était sans mystère, le rossignol était sans voix. Triste et mourant à son aurore, un jeune malade à pas lents parcourait une fois encore le bois cher à ses premiers ans. Bois que j'aime, adieu, je succombe. Ton deuil m'avertit de mon sort, et dans chaque feuille qui tombe, je vois un présage de mort. Fatal oracle d'Épidaure, tu m'as dit, les feuilles des bois à tes yeux jauniront encore, mais c'est pour la dernière fois. L'éternel cyprès se balance, déjà sur ta tête en silence il incline ses longs rameaux. Ta jeunesse sera flétrie avant l'herbe de la prairie, avant le pampre des coteaux. Et je meurs de leur froide haleine, m'ont touché les sombres autans, et j'ai vu comme une ombre vaine s'évanouir mon beau printemps. Tombe, tombe, feuille éphémère, couvre hélas ce triste chemin, cache au désespoir de ma mère la place où je serai demain. Mais si mon amante voilée, au détour de la sombre allée, venait pleurer quand le jour fuit, éveille par un léger bruit mon ombre un instant consolée. Il dit, s'éloigne, et sans retour, la dernière feuille qui tombe a signalé son dernier jour. Sous le chêne on creusa sa tombe, mais son amante ne vint pas visiter la pierre isolée, et le pâtre de la vallée troubla seul du bruit de ses pas le silence du mausolée. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Demain, dès l'aube, de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les djinns de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org par les Rizanes. Murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. De la plaine n'est un bruit, c'est l'haleine de la nuit, et le brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot, d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence sur un pied danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font! Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe, qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est l'essaim des djinns qui passe, et tourbillonne en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout près. Tenons fermée cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors, hideuses armées de vampires et de dragons. La poutre du toit décellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon, sans doute au ciel, s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon, la maison crie et chancelle penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'ils chassent une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs,

l'amoureux pantelant, incliné sur sa belle, a l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton sourire, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. D'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Mal, par Arthur Rimbaud, enregistré pour LibriVox.org, par Caroline Sophie. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ou verts, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant, pauvres morts, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille quand des mères, ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ni bonjour, ni bonsoir. De Gérard de Nerval. Enregistré pour LibriVox.org par Sergio Baldelli. Né calimère, né oracali. Le matin n'est plus, le soir, pas encore. Pourtant de nos yeux, l'éclair a pâli. Né calimère, né oracali. Mais le soir vermeil ressemble à l'aurore. Et la nuit, plus tard, amène l'oubli. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Rappelle-toi, d'Alfred de Musset. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Rappelle-toi quand l'aurore craintive ouvre au soleil son palais enchanté. Rappelle-toi lorsque la nuit pensive passe en rêvant sous son voile argenté. À l'appel du plaisir lorsque ton sein palpite, au doux songe du soir lorsque l'ombre t'invite, écoute au fond des bois murmurer une voix, rappelle-toi.

de la mer irritée, il déchire le flanc. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sensation d'Arthur Rimbaud. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sonnet, parle-moi, de René Vivien, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en novembre 2010. Parle-moi de ta voix pareille à l'eau courante lorsque s'est ralenti le souffle des aveux. Dis-moi des morailleurs et cruels si tu veux, mais berce-moi de la mélopée enivrante. De ce timbre voilé qui m'enivre et m'enchante lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux, exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, ô mon harmonieuse et musicale amante. Et moi, j'écouterai ta voix et son doux chant. Je ne comprendrai plus, j'écouterai, cherchant, sinon l'entier oubli, du moins la somnolence. Car si tu t'arrêtais, ne fût-ce qu'un moment, j'entendrais au profond du silence quelque chose d'affreux qui pleure horriblement. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Tu m'as dit un jour, de Eugène Manuel, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en novembre 2010. Quand nous parcourions la plage normande, tu m'as dit un jour de printemps, « Sais-tu bien, ami, ce que je demande, parmi tant de vœux dans l'esprit flottant, indéfiniment sur la même grève, au même rocher par les flots battus, près de toi m'asseoir pour le même rêve ?» Ces mots adorés, les redirais-tu? Quand nous voyagions dans les Pyrénées, tu m'as dit un jour, un beau jour d'été, oh, voir avec toi s'enfuir les journées, te sentir ainsi seul à mon côté, sans que rien nous lasse et nous décourage, ensemble gravir des pics ignorés, et d'un même cœur y braver l'orage. Les redirais-tu, ces mots adorés? Au bois du Morvan, quand sèchent les chênes, tu m'as dit un jour d'octobre brumeux, nous aurons aussi nos bises prochaines, et nous vieillirons, dépouillés comme eux. Mais qu'importe au front que demain soit sombre, si le souvenir garde sa vertu, qu'importe avec toi le soleil ou l'ombre? Ces mots adorés, les redirais-tu? Quand, rentrés au nid, nous lisions ensemble, tu m'as dit un soir, un long soir d'hiver, vivre ainsi toujours, ami, que t'en semble, nous chauffer toujours à ce feu si clair, et lorsqu'il faudra déployer la voile, pour conduire ailleurs nos cœurs préparés, débarquer tous deux dans la même étoile. Les redirais-tu, ces mots adorés? Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les yeux, de Sully Prudhomme. Enregistré pour LibriVox.org par Lérisanne. À Francisque Gerbeau. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, des yeux sans nombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux, et le soleil se lève encore. Les nuits, plus douces que les jours, ont enchanté des yeux sans nombre. Les étoiles brillent toujours, et les yeux se sont remplis d'ombre. Oh, qu'ils aient perdu leur regard! Non, non, cela n'est pas possible. Ils se sont tournés quelque part vers ce qu'on nomme l'invisible. Et comme les astres penchants nous quittent, mais au ciel demeurent, les prunelles ont l'air couchant, mais il n'est pas vrai qu'elle meure. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, ouverts à quelque immense aurore, de l'autre côté des tombeaux, les yeux qu'on ferme voient encore. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.